penser. Aux confins des mots, le verbe aimer. Sans se soucier de la peine et de se voir si souvent traîner. Devant lui ne rien dire jamais. Se souvenir de la beauté quand elle part un instant ailleurs. Ce sont d'autres yeux vierges de ta fraîcheur qui se tuisent avec moi. Mais pour toi, tu en es peu fier et j'ai peur de mourir au même instant que tu es ailleurs. Pour toi. Et mourir au même instant que tu es ailleurs. Pour toi, j'ai ces autres regards qui te fixent jusqu'à t'imaginer nu. Je les vois insistants, même indécents. Et toi, poli, tu souris, oh, c'est dur le désir. Aux confins des mots, le verbe aimer. Sans se soucier de la peine et de se voir si souvent traîner. Devant lui ne rien dire jamais.